En Corée, la cérémonie d'inauguration du Muséum de la Nature et du Zoo Central a eu lieu le 24 juillet. Y ont pris part Park Bong-joo, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et premier ministre de la République populaire démocratique de Corée et autres cadres responsables du parti et de l'État, les officiels du parti, des forces armées, du cabinet ministériel, des ministères et des établissements centraux, les cadres militaires et civils, les bâtisseurs, les fonctionnaires des établissements, usines et entreprises de la ville de Pyongyang, les travailleurs, jeunes et étudiants qui ont contribué à la construction du Muséum de la Nature et au réaménagement du Zoo Central, les compatriotes coréens d'outre-mer en visite dans la patrie socialiste, les représentants diplomatiques et des institutions internationales, les attachés militaires et leurs femmes, les diplomates des ambassades de divers pays à Pyongyang et les hôtes étrangers en séjour en Corée. Park Bong-joo a dit dans son discours d'inauguration que le Muséum de la Nature et le Zoo Central construit à merveille au bas du mont Taesong pittoresque est la création monumentale de l'époque du Parti du Travail de Corée grâce au noble amour du parti pour le peuple et la postérité et le cadeau de l'autre parti pour le peuple coréen. Les délégués des bâtisseurs militaires et civils, des méritants, des étudiants et des élèves ont coupé le ruban d'inauguration.